C'est déjà l'épisode 250 de Podcast Science, on se rapproche dangereusement du 300e. Ce soir, c'est encore Podcast Matt, pardon, donc avec Robin et puis surtout Lé, notre invité, pour la suite de son épisode sur le partage de gâteaux, un sujet mathématiquement essentiel. Et donc nous sommes l'épisode 250, bonsoir et bienvenue. Alors, bonsoir à tous. Donc, un petit tour de table. Comme la semaine dernière, on est avec Robin depuis Paris. Salut Robin. Salut. Cette fois-ci, notre barycentre a fait un déplacement assez hallucinant parce que comme on a perdu Johan à Baltimore, on n'a plus que Lé depuis Hanoï au Vietnam. Salut Lé. Salut. Et donc, au sommaire de l'émission, la seconde partie sur le partage de gâteaux, une côte, un pitch et puis ce sera tout. Et bien Lé, c'est à toi. On t'écoute. Okay, Donc, je vais encore commencer par des exemples. En juillet 2012, 8 joueuses de badminton sont disqualifiées des Jeux Olympiques de Londres pour ne pas avoir respecté l'esprit olympique. En l'occurrence, alors qu'elles étaient qualifiées pour le tour précédent, pour le tour suivant, elles ont fait exprès de perdre leur match de poule pour ne pas se fatiguer. Et faire exprès de perdre, c'est pas l'esprit olympique. Quelques jours plus tard, pourtant, l'équipe d'Espagne de basketball perd de façon surprenante et nonchalante face au Brésil, sans punition du comité olympique. Ce faisant, l'Espagne va éviter de se retrouver dans la même moitié de tableau que les États-Unis, qui ne rencontreront qu'en finale et ramasseront au passage une médaille d'argent. 2 ans plus tôt, à Johannesburg, en Afrique du Sud, dans le match entre le Ghana et l'Uruguay, Luis Suarez défrait la chronique pour la première fois de sa carrière. On est en quart de finale de la Coupe du Monde de football, le score est 1-1, on joue à 120e et dernière minute de match. Coup franc pour le Ghana, le ballon flotte dans la surface, un Ghanéen smash le ballon de la tête pour marquer le but de la qualification, mais Luis Suarez sur sa ligne arrête la trajectoire de la balle de la main. L'arbitre suit le protocole, siffle penalty et donne un carton rouge à Suarez. Asamoah Gyan, un joueur ghanéen, s'élance alors et tire le penalty qui finit sur la barre. Et le match finit sur cet incroyable loupé et va au tir au but. Et l'Uruguay de Luis Suarez remportera ses tirs au but. Et Suarez devient alors le footballeur le plus détesté au monde, notamment en Afrique et dans une grosse partie de l'Europe. Et les médias le critiquent vivement pour avoir enfreint aux règles du sport, ou enfin aux valeurs du sport plutôt. Pourtant, chez lui, Luis Suarez, c'est vraiment un héros qui s'est sacrifié pour son pays et a sauvé son pays d'une élimination certaine. Alors, toutes ces histoires de sport, c'est bien joli, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le partage du gâteau? Eh bien, dans chaque cas, il se trouve qu'il y a une contradiction entre le comportement éthique que l'on attend des athlètes et les incitatifs qu'on leur donne. Les joueuses de badminton avaient intérêt à ne pas s'épuiser à gagner des matchs, puisqu'elles étaient déjà qualifiées. L'équipe d'Espagne de basket avait intérêt à perdre contre le Brésil pour maximiser ses chances d'avoir une médaille. Et Luis Suarez avait intérêt à utiliser ses mains pour empêcher une défaite certaine. Et juste pour en remettre une couche, il faut absolument que je vous parle de la marche athlétique, que Gad Elmaleh appelle la course à pied où les mecs, ils n'ont pas le droit de courir. Alors oui, c'est bien marrant et tout, les mecs qui font ça, c'est des vrais athlètes, c'est super courant ce qu'ils font, je ne serais pas capable de le faire. Mais il faut quand même dire qu'avec des technologies minimalistes, on s'est rendu compte que ces mecs, ils courent. Ils passent 10% de leur temps à ne pas être en contact avec le sol. Sauf que seuls les juges humains ont le droit de disqualifier un coureur pour avoir couru, et que ces juges humains n'ont pas le droit à la technologie. Du coup, ces mecs, au final, ils trichent tout au long de la course. Je ne sais pas s'ils le savent... En tout cas, ils ont intérêt à tricher et les mecs qui ne trichaient pas, ils ne se sont pas qualifiés pour les Jeux Olympiques puisqu'ils allaient moins vite du coup. Et c'est vraiment là que le bât blesse. Il y a à la fois un aspect incitatif à tricher qui peut convaincre des athlètes honnêtes à se mettre à tricher. Mais en plus de cela, il y a une sélection des tricheurs car ceux qui ne trichent pas sont du coup beaucoup moins performants. Et donc, quand on a des jeux ou des règles ou des lois, qui nous pousse à tricher, il faut s'attendre à ce que les gens qui réussissent à ce jeu ont du succès parce qu'ils ont triché, parce qu'ils ont suivi les incitatifs à tricher. Donc cette remarque a motivé tout un pan de recherche qui, depuis les années 50-60, cherche à enlever tout incitatif à la triche. Et donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de cette recherche sur les mécanismes dits incentive compatible ou compatibles avec les incitatifs. Mais je vais plutôt utiliser la terminologie anglophone ici parce que je la trouve plus jolie. Je m'en excuse d'avance. Alors, pour vous donner un dernier exemple, avant de nous lancer dans la théorie de la conception des mécanismes, incentive compatible, repensez à la magouilleuse dont j'ai parlé dans l'épisode précédent. Ça s'est su très rapidement que quand vous participez à la magouilleuse, à moins que vous ne voulez y aller, il faut absolument mettre l'armée de l'air et l'armée de terre. Faut absolument éviter de mettre l'armée de l'air ou l'armée de terre en deux ou en trois, parce que ces deux armées ont typiquement beaucoup plus de place que de personnes qui veulent y aller, et du coup personne ne les met en premier choix. Et du coup, si vous les mettez en deux ou troisième choix, la magouilleuse va vouloir vous les donner parce que vous êtes à peu près les seuls à ne pas, à ne pas totalement ne pas vouloir y aller. En particulier, si vous voulez aller à la marine, mettez la marine en 1, puis après mettez un truc que tout le monde veut, genre un stage civil, ou puis après les pompiers, ou quelque chose comme ça. Et puis surtout, mettez l'armée de terre et l'armée de l'air tout à la fin. Jusque-là, j'ai encore été un peu vague sur le concept d'incentive compatibility. D'ailleurs, je devrais dire que l'incentive compatibility est liée à la théorie des votes dont Nico a parlé, je ne sais plus quel est le numéro de l'épisode, dans un épisode précédent. En tout cas, donc aujourd'hui, je vais essayer de vous parler plus en détail de ce qu'on peut entendre par incentive compatibility, parce qu'en fait, il y a plusieurs versions de incentive compatibility. Bon, je vais en présenter quatre maintenant. Alors, le premier dont je vais parler, c'est l'incentive compatibility dite faible, qui consiste à demander à ce que tout individu participant à un mécanisme d'interaction risque de regretter un comportement immoral. Donc, par exemple, si je reprends le partage du gâteau, avec le couteau qui bouge dont j'ai parlé à Lausanne, on avait dit à ce moment-là que si je la joue loyalement, je suis sûr d'avoir une part proportionnelle. Mais si j'essaie de tricher, je peux vouloir essayer de tricher, et si j'essaie d'avoir une part un peu plus grande qu'une part proportionnelle en essayant d'attendre le plus possible avant de dire stop, en général, il y a quand même une chance que j'arrive à avoir un petit peu plus que si j'avais été complètement, s'il avait joué loyalement. Mais je risque aussi de finir de temps en temps avec une part plus petite que la part proportionnelle. Donc désolé pour ceux qui n'ont pas écouté les podcasts précédents. Pour cela, pensez tout simplement au braquage d'une banque. Même si vous avez été très bon, il reste quand même un risque que si vous braquez une banque, vous vous fassiez prendre et que vous finissiez par le regretter en passant votre temps en prison après coup. Et donc même si vous avez de bonnes chances de ne pas vous faire prendre, si vous êtes très très bon, il y a toujours un petit risque que vous vous fassiez prendre. Et donc vous risquez de le regretter. Donc si vous risquez de le regretter, on dit que le mécanisme ou la loi est faiblement incentive compatible. Ensuite, bon, j'ai parlé d'incentive compatibilité faible, c'est bien sûr qu'il existe une incentive compatibility forte, qu'on appelle dans la littérature plutôt Dominant Strategy Incentive Compatibility. Comme son nom l'indique, c'est un concept plus fort, plus dissuasif, mais aussi plus contraignant. Il s'agit de s'assurer à ce que chacun aura toujours intérêt à se comporter éthiquement. Si je reprends le partage du gâteau avec un allergique aux noix, on voit que le je coupe, tu choisis n'est pas fortement incentive compatible, puisque si je sais qu'Alan prendra toujours la part sans noix, j'ai intérêt à être fourbe. Et donc à couper la part, à prendre au moins toute la part sans noix pour moi et un peu plus. Toute la part avec noix pour moi et un peu plus. Alors, un exemple de mécanisme fortement incentive compatible, c'est l'enchère de Vickrey, qui a été inventée en 1961 par William Vickrey, qui aura le prix Nobel d'économie en 1996. Alors, cette enchère, elle consiste à vendre un bien au plus offrant, mais on fait payer seulement le prix du second plus offrant. Alors, il faut réfléchir un tout petit peu, mais pour cette enchère, on a en fait toujours intérêt à enchérir la valeur qu'on associe au bien. Cette enchère est d'ailleurs utilisée aujourd'hui par Google et Yahoo pour vendre des spots publicitaires en ligne. J'y reviendrai un peu plus tard. Un autre exemple d'incentive compatibilité forte, c'est l'exemple des votes, de certains votes en tout cas, dont Nico avait parlé dans un podcast précédent. Alors, ensuite, il y a un concept encore plus fort que l'incentive compatibility, forte, c'est le concept de group incentive compatibility. Ça correspond à demander à ce qu'aucun groupe d'individus n'a intérêt à être fourbe ensemble. Donc, si je prends l'enchère de Vickrey n'est pas group incentive compatible. Par exemple, si je sais que l'on n'est que deux à enchérir sur un bien, et si on attribue plus de vœux, si je sais que, enfin, si on sait tous les deux que j'attribue plus de valeur au bien que l'autre, je peux lui donner un pourboire pour lui dire de s'en aller et acquérir le bien quasiment gratuitement. Ce faisant, lui et moi, nous nous en sortons mieux que si on avait joué l'enchère à la loyale. Puisqu'à la loyale, lui n'aurait rien eu et moi j'aurais dû payer plus cher. Un exemple de mécanisme group incentive compatible est l'élection d'une valeur médiane. Imaginons que l'on cherche à annoncer sur le site web la valuation financière de Podcast Science selon les podcasteurs. Une façon de faire, de choisir un prix, de demander à chaque podcasteur d'écrire la valeur qu'il attribue à Podcast Science sur un bout de papier, à ramasser les bouts de papier, les ordonner du plus petit au plus grand, et à choisir de publier le bout de papier qui est au milieu, qui va être la valeur médiane. Si on suppose que chaque podcasteur veut que la valeur annoncée soit la plus proche possible de la valeur qu'il attribue au podcast, aucun n'aura intérêt à mentir, et mieux encore, aucun groupe de podcasteurs n'aura intérêt à planifier une stratégie fourbe pour affecter positivement, selon eux, l'issue du vote. Enfin, il y a le Nash ou le Bayes Nash Incentive Compatibility qui est un poil plus compliqué à comprendre. Un mécanisme est Bayes Nash Incentive Compatible. Si chaque individu a intérêt à agir de façon morale, s'il suppose ex ante, c'est-à-dire avant que tout se fasse, que les autres individus vont aussi agir de façon morale. Et ça, c'est ce qu'on appelle un équilibre de Nash. On a une stratégie qui est la meilleure pour les autres par rapport à ce que les autres font, et que chacun des autres a aussi une stratégie qui est meilleure par rapport à ce que les autres font, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle un équilibre de Nash ou de Bayes-Nash. Un tel équilibre correspond donc à une configuration où chaque individu se définit un plan d'action appelé stratégie. Et étant donné les stratégies des autres individus, chacun a intérêt à agir conformément à sa stratégie. Ainsi, quand un équilibre de Bayes-Nash est joué, personne ne va vouloir changer de stratégie. Et notamment si le jeu est répété, on va donc rester sur l'équilibre de Bayes-Nash. Donc l'équilibre de Bayes-Nash, c'est vraiment un équilibre au sens dynamique du terme. Une fois qu'on y est, on y reste. Et bon, j'ai parlé de Bayes-Nash, mais en fait, plutôt que d'équipe de Nash, en gros, c'est la même chose, l'équipe de Bayes-Nash. Et en gros, la généralisation du concept de Nash au cas où l'information est dite incomplète, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce que les autres préfèrent. Ce qui est souvent le cas en pratique quand on a des mécanismes d'interaction. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur les équipes de Nash, mais je m'éloigne un peu du sujet du podcast. Donc, je vais revenir un peu à la conception des mécanismes. Juste pour fixer les idées, le Bayes-Nash Incentive Compatibility est entre les versions faibles et fortes. C'est-à-dire qu'il est plus dissuasif que l'Incentive Compatibility faible, hein, qui n'est pas très dissuasif. Hein, au final, on peut quand même vouloir braquer une banque. mais qui est aussi moins contraignant, donc le Bayes Nash Incentive Compatibility est moins contraignant que l'Incentive Compatibility Forte. C'est-à-dire en particulier que si un mécanisme est fortement incentive compatible, alors il est Bayes-Nash incentive compatible. Donc tout ça, c'est des concepts de l'incentive compatibility, donc de à quel point on veut que les mécanismes sont robustes à la manipulation, comme le disait Nico pour le podcast sur les systèmes de vote. Et après, il y a le problème de quel mécanisme on va choisir qui vérifie ses propriétés. Et donc ça, c'est tout ce qu'on appelle la théorie de la conception des mécanismes qui essaie de trouver des mécanismes d'interaction qui ont des bonnes issues et des bonnes propriétés d'incentive compatibility. Et l'une des difficultés de cette théorie, c'est qu'il existe énormément de mécanismes. Alors, vraiment beaucoup. Et du coup, a priori, c'est pas évident d'étudier tout ça. De trouver de l'ordre dans l'espace des mécanismes. On peut imaginer tout un plat de mécanismes, par exemple pour partager le gâteau. Ça peut pas être très compliqué de choisir le meilleur mécanisme a priori. Mais pour nous simplifier la vie, en fait, il y a un théorème que je trouve vraiment cool, qui s'appelle le principe de révélation. Bon, en fait, c'est un théorème, c'est pas vraiment un principe. Et il a été découvert dans les années 1970, à plusieurs reprises, dans plusieurs papiers différents. En très gros, ça dit que on peut se restreindre sans perte de généralité à l'étude de la théorie de conception des mécanismes dit direct et incentive compatible. Donc un mécanisme direct, c'est un mécanisme où, au lieu d'essayer de faire des trucs un peu compliqués comme par exemple le couteau qui bouge ou le jeu que tu choisis, en fait, le mécanisme direct, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander aux gens quelles sont les préférences, leurs préférences, et en fonction de ce qu'ils nous révèlent, le mécanisme direct va prendre une décision. Donc, de façon un poil plus précise, le principe de révélation dit que si vous avez un mécanisme et un équilibre des stratégies pour ce mécanisme, si vous partez de n'importe quel mécanisme, prenez un équilibre des stratégies dans ce mécanisme, alors vous pouvez construire un mécanisme direct incentive compatible équivalent au mécanisme initial dans l'état d'équilibre. Alors j'imagine que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde, du coup je vais essayer de donner un exemple pour illustrer ça. Si on reprend l'exemple des joueuses de badminton, on avait des règles que l'on connaît bien et un équilibre des stratégies où les joueuses sont déjà qualifiées consiste pour ces joueuses à faire exprès de perdre. Le principe de révélation nous dit que l'on peut remplacer les règles actuelles par un mécanisme incentive compatible où les joueuses ont juste à nous dire si ce qu'elles préfèrent, c'est-à-dire faire exprès de perdre ou la jouer vraiment. La manière dont ce mécanisme incentive compatible est construit consiste alors à simuler les stratégies des joueuses qui nous sont révélées, enfin leur préférence en tout cas sur si elles veulent jouer ou pas. Et donc, on les simule dans le mécanisme initial. C'est-à-dire, on les fait jouer le match de façon enfin, simulée. Et en gros, on aboutit alors exactement au même résultat. C'est-à-dire que si elles voulaient faire exprès de perdre, la simulation dit qu'elles vont perdre, et du coup, en fin de compte, elles ont perdu, quoi. Mais cette fois, tout a été simulé. Et les joueuses n'ont pas eu à vraiment se comporter de façon immorale. Donc, si vous avez bien suivi, quand on applique le principe de révélation, on ne change rien au bilan des courses. À la fin, les joueuses qui ont perdu, elles ont perdu. Ce que l'on fait, c'est qu'au lieu d'encourager les actes immoraux, on donne juste l'incitatif aux individus de nous révéler honnêtement ce qu'ils sont prêts à faire. Et ça, en fait, ça correspond exactement à ce que les Américains appellent le attorney-client privilege. Je ne sais pas comment on dit en français, en loi. Donc, un accusé, typiquement, n'a en général pas intérêt à dire toute la vérité. Et s'il devait se défendre devant la justice, il aurait de gros incitatifs à mentir. Maintenant, en introduisant un avocat intermédiaire qui le défend, qui n'a donc pas à révéler tout, qui n'a donc pas intérêt à révéler tout ce que son client lui dit, il est dans le meilleur intérêt du client de révéler toute la vérité à son avocat. Si son avocat est vraiment totalement, enfin n'a pas le droit de révéler ces choses devant la cour notamment. Et du coup, après, l'avocat agit devant la cour de la même manière que la manière dont le client aurait agi devant la cour. L'avocat simule ce que le client aurait dû faire. Il le fait sans doute mieux que le client lui-même. Donc le résultat enfin, ne change pas vraiment. Enfin, peut-être qu'il va être un peu meilleur parce que on a pris un bon avocat. Mais ce qu'on demande en tout cas à l'accusé, lui, est complètement différent, puisque là, il n'y a plus de conflit entre son éthique et ses incitatifs. Si, pour que l'avocat le défende au mieux, a priori, il faut que le client lui révèle toute la vérité. Ok, alors je ne sais pas si j'ai perdu tout le monde. Alors, pour les matheux, donc un mécanisme est une fonction, possiblement aléatoire, qui associe les actions d'un individu à des conséquences ou des résultats. Donc pensez à la magouilleuse, elle prend en compte les préférences annoncées des individus et retourne des affectations militaires. Le principe de révélation consiste simplement à prendre en compte leurs préférences et à appliquer les stratégies à l'équilibre, à ces préférences, avant de les entrer dans le mécanisme. Donc mathématiquement, c'est simplement une composition de fonctions entre les stratégies et le mécanisme. Alors, si les résultats finaux sont finalement les mêmes, quel est l'intérêt du principe de révélation? Bien, l'application principale du principe de révélation n'est pas tant de construire des mécanismes incentive compatibles, c'est plus de justifier le fait que l'on peut étudier des mécanismes direct incentive compatibles pour étudier en fait tous les mécanismes à leur équilibre. En fait, l'ensemble des mécanismes à leur équilibre est en fait équivalent à l'ensemble des mécanismes direct incentive compatible. Autrement dit, on cherchait des structures dans l'espace des mécanismes et le principe de révélation nous montre que tout l'espace pointe vers ces mécanismes dits direct et incentive compatible. Moi, je sens qu'il vous faut un autre exemple pour bien comprendre le principe de révélation, donc je vais revenir aux enchères. Prenons l'enchère classique que l'on voit dans les films où il faut annoncer un prix meilleur que le dernier prix annoncé pour être l'acheteur d'un bien. On sent bien que si les acheteurs étaient patients, ils n'auraient qu'à surenchérir centime par centime jusqu'à ce que le prix excède la valeur qu'ils associent au bien. Donc si on applique le principe de révélation à cela, on obtient un mécanisme qui demande à chaque acheteur de révéler le prix qu'il est prêt à payer. Donc si on applique le principe de révélation à cela, on obtient un mécanisme qui demande à chaque acheteur le prix de révéler le prix qu'il est prêt à payer. Et ensuite, le mécanisme simule ce que les acheteurs feraient du coup, donc finira par attribuer le bien au premier acheteur au prix du second acheteur, peut-être plus un centime ou quelque chose comme ça. Et donc au final, une fois qu'on a simulé tout ça, le bien ira au premier acheteur, mais il n'aura à payer que le prix du second acheteur. Et ça, c'est exactement en fait l'enchère de Vicré dont j'ai parlé précédemment. L'enchère de Vicré a ensuite été généralisée, d'abord par Clark, puis par Groves dans les années 70, pour donner ce que l'on appelle aujourd'hui le mécanisme Vicré-Clark-Groves ou VCG. Et le mécanisme VCG, c'est sans doute la découverte la plus importante de la théorie de la conception des mécanismes. L'idée, c'est que l'on va choisir la meilleure solution globalement et qu'on va faire payer à chacun le coût qu'il impute aux autres. Donc, par exemple, si je reviens à l'enchère de Vicré avec deux acheteurs, Robin et Irène, disons que je vends un gâteau et que Robin est prêt à payer 10 euros pour ce gâteau, et Irène, qui rentre du parapente et a très faim, encore une fois, est prête à payer 100 euros. La meilleure solution globalement, en termes économiques, celle qui maximise ce qu'on appelle le bien-être social, consiste à donner le gâteau à Irène, puisqu'elle lui attribue plus de valeur. Mais si Irène n'était pas là, la meilleure solution globalement aurait été de donner le gâteau à Robin. Donc le fait qu'Irène soit là fait que Robin perd le gâteau et donc perd la valeur qu'il associe au gâteau, c'est-à-dire 10 euros. Donc le coût que la présence d'Irène impute sur les autres, sur le bien-être social des autres, et la valeur que Robin attribuait au gâteau qui lui était dû, et donc 10 euros. Du coup, le mécanisme VCG va faire payer à Irène ce coût, le coût qu'elle impute aux autres, c'est-à-dire 10 euros. Et donc au final, on retrouve encore une fois l'enchère de Vicray qui correspond à vendre le bien au premier acheteur au prix du second acheteur. Mais l'avantage du mécanisme VCG, c'est que l'on peut appliquer, on peut l'appliquer à plein d'autres choses que des enchères à un bien. Par exemple, imaginons qu'une collectivité locale veut construire des nouvelles routes liant 5 villages. Elle propose différents tracés de routes. Tous les tracés relient les 5 villages, mais certains tracés peuvent être plus chers que d'autres et peuvent servir mieux. Peuvent surtout mieux desservir certains villages que d'autres. Du coup, on va plutôt vouloir une route principale et des routes secondaires qui lient la route principale aux différents villages. Mais il y a plusieurs façons de tracer cette route principale, encore une fois. Certains tracés vont être meilleurs pour certains villages que pour d'autres. Et donc, que faire? La question ici, c'est de savoir comment choisir un tracé, mais aussi de savoir comment compenser financièrement ou de faire payer financièrement les villages en fonction de la manière dont ils sont desservis. Et là, on peut appliquer le mécanisme VCG. On choisit le tracé qui maximise le bien-être social, c'est-à-dire le meilleur tracé pour l'ensemble des villes, et on fait payer à chaque village le coût que sa présence impute au bien-être social des autres. C'est-à-dire, on compare la valeur du tracé final par rapport au tracé si chacune des villes n'était pas là. Donc, si on prend un village, par exemple, on se demande s'il n'était pas là, quelles auraient été les routes tracées s'il n'était pas là, quelle aurait été la valeur de ce tracé pour les autres villages, et on compare cette valeur-là à la valeur du tracé final, celui qui a été choisi pour tous les villages, que les autres, enfin, la valeur de ce tracé selon les autres villages. Et on fait payer, donc a priori, le tracé final va être moins bien pour les autres villages que si on avait fait un tracé uniquement pour les autres villages, donc si le village, notre village n'était pas là. Et donc, cette différence de coût, c'est ce qu'on va faire payer au village, à notre village. Okay, donc j'ai bloqué sur ce sujet, et puis je vous invite à en lire plus sur mon site Sainte-Soirol. Donc, on peut voir en VCG une certaine forme, probablement imparfaite, de partage juste aussi. On paie à la société, en gros, le coût de notre présence. Le coût que notre présence impute aux autres. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle VCG est si souvent célébré, du moins étudié et utilisé. D'un côté, VCG a le bon goût de maximiser le bien-être social, et ça, les économistes, ils aiment bien. Mais surtout, le VCG est fortement incentive compatible. Et ça veut dire que si vous êtes un des villages pour qui on trace des routes, vous avez toujours intérêt à dire exactement ce que vous êtes prêt à payer pour tel ou tel tracé. Et juste pour insister encore une fois sur ce concept, l'incentive compatibilité est ultra importante. Si vous avez un mécanisme qui n'est pas incentive compatible, alors, premièrement, vous encouragez la malhonnêteté des gens, et deuxièmement, vous ne pouvez pas faire confiance en les données que les gens vous révèlent, puisqu'ils avaient intérêt, ils avaient peut-être intérêt à ne pas révéler les vraies données. Or, bien souvent, on utilise des données révélées pour tirer des conclusions ou juger la performance d'une politique. Si ces données révélées sont fausses, et comme on a en général des systèmes qui ne sont pas incentive compatibles, on peut dire qu'en général, les données révélées sont fausses, les conclusions qui sont basées sur ces données vont alors être fausses aussi. En informatique, on a une expression pour tout, pour ça, garbage in, garbage out. En gros, on a des données, enfin, on a des détritus qui rentrent, on a des détritus qui vont aussi sortir, qui vont aussi en sortir. Enfin, on fait pas de fumée sans feu, enfin, on peut pas faire quelque chose de bien si on n'a pas de bonnes données au début. Mais il y a un mais, pour que ces belles propriétés soient vraies, il faut faire des hypothèses supplémentaires. Il faut supposer que les personnes qui participent au mécanisme ont plus d'argent sur eux que ceux qui sont prêts à payer pour acquérir les biens en jeu dans le mécanisme VCG. Et puis il faut supposer que leur utilité pour l'argent est égale ou proportionnelle à l'argent même. En termes économiques, ce que je viens de dire s'appelle la séparabilité de l'argent et la neutralité au risque, pour des raisons que je ne vais pas expliquer ici. Bref. Tout ça pour dire que le mécanisme VCG marche vraiment bien, que pour que le mécanisme VCG marche vraiment bien, il faut des hypothèses simplificatrices qui sont fausses, mais notre espoir, encore une fois, c'est qu'elles ne sont pas trop fausses pour que les conséquences de notre analyse restent à peu près, pertinentes en pratique. Alors VCG, c'est génial, mais ça ne permet pas de maximiser les gains du vendeur d'une enchère. Ou des fonctions d'objectifs plus compliquées qui incluraient par exemple des exigences d'équité ex post. Et puis comme je l'ai dit, il repose sur l'hypothèse de neutralité au risque vis-à-vis de l'argent. Alors que faire dans le cas général? Alors d'abord, pour maximiser le gain du vendeur, il y a un article séminal de 1980 de Roger Myerson, prix Nobel d'économie en 2007, qui détermine justement l'enchère optimale, c'est-à-dire l'enchère qui maximise les gains du vendeur, quand on se place dans le cadre du Bayes-Nash Incentive Compatibility avec séparabilité de l'argent et neutralité au risque. Et chose surprenante, elle consiste à ne pas forcément vendre le bien au premier acheteur. Typiquement, imaginez que l'on soit vendeur de vases au Vietnam et qu'on voit arriver un touriste riche, plein aux as, et un backpacker. Alors, en tant que vendeur, on pense du coup assez naturellement que le touriste qui a l'air riche va être prêt à payer plus que le backpacker pour le vase. L'enchère de Meyerson dit qu'il va falloir vendre le bien à bas coût au backpacker de temps en temps, même si le backpacker est prêt à payer moins que le touriste riche. Ceci va créer une espèce de compétition à distance, car le touriste riche sait qu'il va devoir faire un effort significatif pour acquérir le vase, et plutôt que de se contenter de surenchérir un tout petit peu seulement sur le backpacker, il va devoir vraiment révéler beaucoup plus ce qu'il est vraiment prêt à payer. Alors tout ce que j'ai dit là, c'est bien sûr pour l'intuition. Meyerson, lui, il a prouvé le théorème qui généralise et formalise tout ça. Et puis tout ça aussi pour dire que si un jour vous pensez vous faire avoir au Vietnam et devoir payer trop cher un truc que les locaux paient beaucoup moins cher, dites-vous que en fait vous avez juste affaire à des gens qui appliquent l'enchère de Meyerson et qui donc appliquent leur stratégie optimale. Plutôt qu'une stratégie équitable ou juste qui serait qui imposerait la même loi pour tout le monde, c'est-à-dire que le vendeur serait prêt à vendre le bien au même prix pour tout le monde. L'enchère optimale ne consiste pas à vendre le bien au même prix pour tout le monde, elle consiste à faire payer plus les gens qui ont l'air d'être prêts à payer plus. Mais bon, ça, c'est juste pour maximiser les profits du vendeur dans une enchère à un bien. Alors, que faire dans le cas général? Eh bien, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à bien des égards, on peut considérer, en tout cas, j'ai tendance à considérer, que le cas général a été résolu par une équipe de chercheurs en informatique théorique au MIT, donc Yang Tsai, Konstantinos Daslakis et Mathieu Weinberg en 2012. En gros, sous assez peu d'hypothèses, ils ont prouvé que l'on pouvait écrire les mécanismes Bayes Nash Incentive Compatible, optimaux, sous forme d'algorithmes, et ils ont caractérisé les cas où ces algorithmes avaient des temps de calcul raisonnables. Bon, leur preuve, c'est plus de 100 pages et deux tests du MIT, donc c'est assez gros, et pour l'avoir lu, je peux vous garantir que c'est loin d'être une preuve facile, mais c'est vraiment très très très joli, je trouve. Et là, d'une certaine manière, ça représente, je pense, un petit tournant dans l'histoire de l'algorithmique. On en est aujourd'hui à un point où des algorithmes font vraiment des choses que l'on ne pourrait pas faire sans eux, où ils sont amenés à prendre une place importante dans nos sociétés, mais où ils deviennent tellement compliqués que seules peut-être une centaine de personnes, quelques milliers de personnes dans le monde, parfois, sont capables de les comprendre. Et donc, je pense que ces algorithmes-là, qui pourtant vont peut-être être amenés à jouer des rôles centraux dans les prises de décision à venir, il faut en parler, je pense. Et en tout cas, je remercie toute l'équipe de Podcast Science de m'avoir donné l'opportunité de vous en parler. Et je vais m'arrêter là. Merci. Ok, ben, merci beaucoup. Je ne sais pas si on a des questions dans la chatroom. Robin, tu as pu suivre? J'en ai pas vu, mais j'avoue que j'ai eu une petite interruption à un moment. Donc, une petite interruption cela dit, je pense que... bosonesque, c'est ça? Bosonesque, c'est ça, impondérablesque. Mais bon, cela dit, j'ai quand même pas mal suivi la chatroom, mais bon, je pense que j'aurais vu hein, s'il y avait des questions. Moi, j'ai une vraie question qui est, est-ce que c'est bien malin de divulguer ce genre d'idées? Parce que plus les gens sont au courant, plus ils vont avoir envie, tendance à manipuler tous les systèmes qu'on va pouvoir inventer. Mais bon, après, en même temps, ça veut dire que sinon, on laisse les gens qui l'ont étudié être les seuls à avoir le droit de manipuler. Donc, c'est pas bon non plus, quoi. Si on arrive à faire des mécanismes qui sont incentive compatible, on a tout intérêt à le dire, quoi, à promouvoir en tout cas tout. Et en disant, les gars, c'est pas la peine de manipuler. Non, c'est clair. C'est-à-dire que oui, si t'es capable de prouver à tout le monde qu'il n'y a pas intérêt à magouiller, c'est... Si on pouvait trouver un système comme ça pour le monde politique ou de l'entreprise, globalement, ça serait pas mal. Hein? Mais ça marche. Ça marche. Il y en a des systèmes pour les politiques, il y a même des systèmes pour la drague, tu sais, j'en ai parlé à Lyon. Oui, mais la drague, j'ai aussi pensé à ça, j'ai aussi beaucoup pensé à tout ce que tu avais raconté sur les sites de rencontres. Moi, ce que j'avais parlé, surtout à Lyon, là, c'est le dilemme du prisonnier itéré, en fait. Ouais. Où la meilleure stratégie, c'était œil pour œil, dent pour dent. Et c'est ah, encore non, autre là. Chose. C'est pas œil pour œil, dent pour dent, c'est donnant-donnant. Enfin, j'imagine que c'est la même chose, en gros, tu joues ce que l'autre a joué la dernière fois, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est des systèmes qui sont qui oublient très vite, mais qui sont mais qui réagissent très vite aussi, quoi. Alors, cela dit, j'ai lu un truc récemment de Delahaye qui disait qu'il y avait ou je sais plus si c'était de Delahaye. J'ai lu un truc récemment où il parlait de trucs qui fonctionnaient encore mieux. Ah oui, si c'est ça, non, c'est un de nos doctorants qui a fait un article sur ce genre de sujet et qui parlait de trucs encore plus compliqués. Mais où il y avait des solutions avec plus de mémoire et qui pouvaient faire encore mieux. Bref, on s'éloigne. Mais en tout cas, là, on est sur des maths bien appliquées, là. Et moi, je trouve ça toujours intéressant. Après, c'est vrai que c'est chaud marron, il faut se concentrer bien. Mais c'est intéressant, quoi, le genre de questions qui sont posées. On sent bien qu'il y a des choses rationnelles à faire, même si, comme tu l'as dit au début, on commence par quand même simplifier outrancièrement la réalité, quoi. Enfin, on s'intéresse à un nombre de problèmes qui risquent d'être très limités. Parce qu'il y a un certain nombre de conditions à vérifier qui sont pas évidentes, quoi. Tant qu'on tient, comme il nous reste un peu de temps, parce que ça a été plus court là cet épisode là, tu veux nous parler un petit peu de ton projet Big Data? Pour l'instant c'est encore dans les premières phases, mais j'avais déjà réalisé un documentaire sur les mathématiques de prépa qu'on peut trouver sur YouTube. Et du coup, j'avais fait ça un peu à l'arrache, tout seul et assez vite fait, quoi. Et là, j'aimerais faire un truc un peu plus solide, quoi, sur les mathématiques, cette fois du big data. Donc, ça serait a priori un truc, on est parti sur un truc en trois épisodes d'une heure. assez qui fait pas mal le tour, notamment de tout ce qui est informatique théorique, statistique et machine learning. Et alors, c'est quoi le big data? Parce que c'est un peu la grande question. Moi, plus je me suis plongé sur le sujet, plus j'ai l'impression que la définition est loin d'être claire. Donc il y a un truc que j'ai découvert, dont je me rends vraiment compte, c'est qu'il y a vraiment un fossé entre la recherche data science ou machine learning et pour l'instant les applications qui existent dans le monde d'entreprise. Donc pour avoir assisté à quelques trucs, j'ai l'impression que dans le monde d'entreprise pour l'instant c'est assez basique ce qui est fait en termes de big data, c'est pas très sophistiqué mathématiquement en tout cas, mais au niveau de la recherche mathématique il y a quand même pas mal de choses, beaucoup de recherches très actuelles sur l'apprentissage automatisé, surtout parce qu'on, enfin, l'idée c'est qu'on balancerait beaucoup de données à une intelligence artificielle. Donc imaginez typiquement un robot qui a avec plein de capteurs, notamment des yeux, quoi, qui observerait en permanence, puis qui surferait tout le web. Et puis la question c'est comment est-ce qu'on peut lui faire comprendre, juste en observant le monde, à apprendre d'elle-même plutôt un modèle de la réalité qui soit pertinent, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi ce que j'avais l'impression dans ce que j'avais pu regarder, surtout à l'époque du deep learning, c'est que la différence aussi entre l'entreprise et ce que j'avais l'impression du monde académique, c'est que dans le monde d'entreprise, pour le coup, certes, en effet, les mathématiques sont moins poussées. Par contre, les tailles des jeux de données n'ont rien à voir, quoi. C'est-à-dire que pour le coup, en entreprise, ils ont des tailles de jeux de données et du coup de machines de calcul, etc., qui est gargantuesque par rapport à ce qui peut être fait en recherche, non ? J'ai pas fait de la recherche dans le domaine, donc je n'ai pas vraiment des trucs très en détail, mais de ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même quelques jeux de données qui sont publics, qui sur lesquels beaucoup de, notamment ImageNet ou des trucs en reconnaissance de son, de voix. C'est quand même des gros jeux de données qui permettent de faire pas mal d'apprentissage automatisé. Donc pour l'instant, la recherche est plus à essayer de résoudre des problèmes plus particuliers, comme par exemple reconnaître la voix ou comprendre les mots ou reconnaître des objets sur des images. Mais sur le long terme, le but est d'avoir une interaction beaucoup plus... plus similaire à ce que nous, en tant qu'humains, on a avec toutes les données, c'est-à-dire on a des yeux, on a des oreilles, on regarde le web, tout ça, quoi. Ok. Ok, bah écoute, on se fera un plaisir de réaliser ça. Récemment, j'ai entendu quelqu'un parler de Big Data et dire, bon, Big Data, ça veut rien dire, et on a a priori trop de données par rapport à ce qu'on sait faire. Bah, Big Data, t'as la citation la plus connue du Big Data, qui est de dire que c'est comme le sexe à l'adolescence, tout le monde en parle, tout le monde dit qu'il en fait, mais en fait, personne n'en a jamais fait, quoi. C'est ça. Ça donne l'impression qu'il y a des envies et des ambitions qui sont mais très, après, très loin. Mais après, t'as quand même des choses. Oui, non, sûrement. Alors, moi, je suis un peu étonné. Du coup, je vais être curieux de ta vidéo parce que moi, j'en ai aussi une connaissance très partielle. Mais j'avais l'impression que tout ce que je lisais, les gens disaient, bon, grosso modo, un des trucs typiquement qui est résolu par le big data, mot non défini, c'est justement le speech recognition, la reconnaissance de voix. Où, mine de rien, justement, les premiers algos de deep learning, donc les réseaux de neurones un peu profonds, ont réussi à faire que maintenant, et on l'a bien vu hein, depuis quelques années, alors qu'il y a 10 ans, on se moquait un peu des choses de reconnaissance de voix, maintenant, il y a des trucs tout à fait crédibles où on parle, en effet, ça nous reconnaît plutôt, plutôt bien, et on n'a pas besoin de parler comme un robot, quoi. Et depuis, maintenant, il y a aussi des choses en reconnaissance d'image qui sont assez impressionnantes. Alors que ce soit des choses très pratiques, il y a la reconnaissance de visage qui est là depuis un petit moment, et puis il y a des choses un peu plus élaborées, on voit pas mal de publications de Google, etc. Et puis les choses un peu plus théoriques sur réussir à comprendre des concepts, à avoir des algorithmes qui arrivent maintenant même en vision à jouer à des jeux. Je crois qu'il y avait des résultats sur des jeux basiques, donc les jeux façon d'Atari qui ont quelques années maintenant, ou même se balader dans un labyrinthe. Donc il y a quand même des choses assez impressionnantes qui se font en big data, Mais bon, ça reste en effet. Enfin, ces résultats-là dont je parle, qui sont très impressionnants au niveau résultat, sont souvent sur des bases mathématiques qui sont pas si impressionnantes. Par contre, sur des mises en opération techniques qui sont assez impressionnantes. J'en avais parlé lors de la conférence à NIPConf sur les Très histoires bien d'ailleurs, je de. me permets de faire la pub Tu l'as déjà maintenant fait. que je t'ai regardé. Sur l'algorithme qui. Les algorithmes là, qui permettent de décrire des images, ils sont sur des bases de données qui sont hallucinante, c'était je sais plus combien de millions d'images pour avec des réseaux de neurones de combien de milliards de paramètres qui faisait apprendre. Donc là, la prouesse derrière, elle est de faire marcher ce bousin, quoi. Parce que finalement, par contre, les maths, ils ont 20 ans. Les algos, enfin peut-être pas 20 ans, mais si, remarque si, je crois, 20 ans, les algos qui permettent d'optimiser les vitesses d'optimisation du réseau de neurones, etc., ils sont pas neufs, quoi. Bon Nico, moi je vais vous laisser. Lay, merci beaucoup. Et Ouais, et puis puis. bonne nuit, bonne fin de nuit, hein. Je te laisse réagir quand même, Lay, à ce que je disais, et puis après on va conclure. Salut. Attends, ça, tu parlais de quoi déjà? Je disais que il y avait quand même des résultats, que le big data c'était pas rien, qu'il y avait des résultats quand même impressionnants. Par contre, qu'en effet, les maths étaient pas très élaborées, que c'était des choses souvent qui étaient assez vieilles, mais qu'ils arrivaient à faire marcher sur des ensembles de données qui étaient assez hallucinants. Et quand on essaie d'imaginer. On voit que c'est pas simple. Enfin, optimiser un algorithme qui a plusieurs milliards de paramètres avec une base d'apprentissage de plusieurs millions d'images, on se rend compte qu'il y a un peu que c'est bien beau d'avoir la théorie, mais il va y avoir un côté pratique à mettre en œuvre, quoi. Oui, donc notamment tout ce qui est. J'ai lu un bouquin de 600 pages là, sur le deep learning et je pense qu'à partir de la page 200, il n'y a plus aucun théorème. Donc il y a énormément Et moi, d'ingénierie je crois que le derrière. plus gros théorème que j'ai vu en deep learning, c'est les histoires qui permettent de rapidement optimiser les paramètres, qui est je sais plus comment ils appellent ça, la deep propagation, quelque chose comme ça, le La backpropagation. rétropropagation, Ouais, voilà. la Je crois que c'est le backpropagation. plus gros théorème que j'ai vu là-dedans, quoi. Les autres trucs après sont beaucoup plus de la pratique, en fait. Après, il y a toute la partie qui est très liée aux statistiques bayésiennes, qui est assez quand même costaud à lire, même si ce n'est pas forcément des jolis théorèmes. Il y a quand même des outils mathématiques assez intéressants en tout cas à découvrir. Ok, ben en tout cas, on se fera un plaisir de relayer tout ça quand ça sortira. T'as quelque chose à rajouter ou je conclue du coup? Non, tu peux conclure. Alors, juste avant de conclure, quand même, un petit pitch de la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, c'est l'épisode 250, on l'a déjà annoncé la semaine dernière. On reçoit Carl Zimmer. Donc, il y a une partie de l'humanité qui dit waouh, incroyable, parce que c'est un vulgarisateur extrêmement connu en outre-Atlantique qui parle d'évolution. Entre autres, c'est le héros de Topo. Et puis, il y a une autre partie des gens, dont je fais partie, qui ne le connaît pas spécialement, mais qui se réjouit du coup de recevoir cette personnalité. Et il se trouve que c'est Alan, notre ancien dictateur, qui, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle autour de la communication avec Big Bang Science, a traduit son dernier ouvrage, donc qui en français s'appelle Planète de virus, et il en a profité pour l'inviter pour nous parler de virus et évolution. Alors ça va être un live assez spécial dans l'histoire de Podcast Science, parce que donc ce sera un live en anglais, mais on tâchera aussi de mettre dans le flux une version française qu'on doublera. Vous aurez les deux, donc vous choisirez ce que vous aurez envie de regarder. Et les retranscriptions, on essaiera aussi d'avoir les deux langues. Voilà. Donc, on ne sait pas à quel moment sera publié, mais on vous tâchera d'avoir aussi une version française pour ceux qui ne parlent pas du tout anglais. Alors, en tout cas, viendez, ça s'annonce fort sympathique. Et avant de conclure, Lé, est-ce que tu as une deuxième quote? Ah, j'en ai même deux pour celle-là. La première, je trouve vraiment marrante, c'est History will be kind to me for I intend to write it, par Winston Churchill. Donc, ça dit que l'histoire va être gentille avec moi, enfin, va parler de moi en bien, car j'ai l'intention de l'écrire. Et la deuxième, c'est. We really can't tell the difference between people who might seek power for the greater good and people who seek power just to aggrandize themselves. Par Bruce Bueno de Mesquita, qui est un géopoliticien, qui utilise des modèles de théorie des jeux, notamment pour faire des prédictions géopolitiques, vraiment impressionnant. Il a écrit des super bouquins. Et donc la traduction, c'est on peut vraiment pas dire la différence entre des gens qui cherchent le pouvoir pour greater good, c'est genre le bien, enfin le grand bien, enfin, le bien quoi, et des gens qui cherchent le pouvoir juste pour eux-mêmes, quoi. Ah, c'est des. Ah, c'est intéressant. C'est vrai que ça résonne avec ton sujet de. Justement, où il y a pas mal d'humains qui jouent dans ces choix de théorie des jeux, etc. Ok, super. Ben, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler. On fera relais à tout ce que tu vas faire sur les Big Data. Peut-être que tu reviendras en parler chez nous. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui intéresse pas mal de monde. Et puis, voilà. Ben, sur ce, vous autres, donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler virus. Et d'ici là, n'hésitez pas à partager. Donc, vous savez tout sur le partage et la théorie des jeux, comment profiter de votre adversaire. Partagez quand même cet épisode pour lui donner des chances d'avoir ses chances. Finalement, vous pouvez le faire sur podcastscience.fm, sur Twitter, sur Facebook, sur SoundCloud, bref, sur tout l'Internet mondial. Et donc, d'ici la semaine prochaine, que servir la science soit votre joie. À ciao.